きおき。ははあ。Cadê o Mike? Représente le 6-2 et tous les recoins de pouvoir. Vas-y, casse-toi de là, sinon on va te défaire à coup de barre de fer. Vérifie, frère, les pirates nous éclairent avant qu'on déclare la guerre. Vas-y, respire, c'est pas parce que quand t'as claqué que tu dois mourir. Haha. Représente les K2 Vintes, ils te retrouveront dans tout le 6-2 avec ta petite queue. Demande à ta mère hier, je vais écarter les deux joies barrières. T'inquiète, je me suis occupé de ton père. Y'avait rien que des éclairs quand j'ai mis un coup avant qu'il tombe à terre. Et demande à ton petit frère avant que je claque à terre. Nous on fait pas du karaoké, on est juste ok. 6, 2, 3, 20. Ouais, ho, cadeau au micro. Né en 2009, c'est la rue qui nous a créé. En plus, tu voulais me violer, espèce de gros kéké. Tu t'es pris pour quoi avec ton dentier? Tu peux aller le faire réparer, espèce de vieux pépé. Avec ta femme, la vieille fumeuse.